بقي المسألة وهي الآن on a compris que ces شروط إذا اجتمعت ça devient obligatoire pour le musulman de faire le hajj. فإذا كانت obligation هذا الوجوب على الفور أم على التراخي؟ الفور c'est immédiatement. التراخي c'est par le temps plus tard. مثلا celui qui a ses شروطs qu'on a cité أمس, il est capable, il a la capacité, il a de l'argent, il est en bonne santé, etc. Al-Muhim, il peut faire le Hajj. Est-ce que le Hajj, il est obligatoire à l'al-Fawr? Ça veut dire que, on est fi shahr dhil-qi'd al-an. Est-ce que c'est obligatoire pour lui qu'il fasse le Hajj qui arrive, ay dhul-Hijj, cette année, 1436, ou il peut attendre l'année d'après, ou dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? قال الإمام الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه في كتابه النافع شرح الممتع قال يجب أداؤهما أي الحج والعمرة على الفور إذا تمت شروط الوجوب إسساء القول الصحيح قال والدليل على ذلك ما يلي القول الصحيح سكس على الفور tu n'as pas le droit de retarder c'est ta قدرة لماذا؟ يقول شيخ العثيمين رحمة الله عليه أولا قوله تعالى ولله على الناس حج البيت et les autres adil qu'on a vu في الأمر il y a un ordre قال الشيخ العثيمين يسيت عنه الدليل كذلك حديث أبي هريرة يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا donc يسيت deux adil واحد من القرآن وواحد من السنة les deux il y a un ordre de faire le hajj. قال شيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه والأصل في الأمر أن يكون على الفور فسن قاعدة اختلف فيها الأصوليون لكن الصحيح c'est هذا c'est ça l'أصل sauf si une قرينة il y a une chose qui démontre que c'est pas على الفور لكن الأصل c'est pour ça que شيخ ابن عثيمين قال والأصل فالأصل la base c'est quand on a un ordre في الكتاب أو في السنة on doit faire cet ordre le plus rapidement possible quand on a les shurut bien sûr. Il va citer al-dalil ala hadha wa li hadha ghadiba an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwat al-hudaybiyya hina amarahum bil ihlal wa tabata'u. Hadith fi sahih al-bukhari anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amara ashabahu bil ihlal. C'est معروف al-hadith anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam il est rentré inda ihda zawjatihi fi ma athkur Salama radiyallahu anha. Et elle a vu qu'il s'était énervé, alayhi salatu wasalam. Ça montre que l'amr, c'est le faur, ala le faur. Le Nabi sallam, ça serait, ils auraient eu le temps d'appliquer cet ordre, ils ne seraient pas énervés, alayhi salatu wasalam. Falihada, Salama radiyallahu anha, qalat, elle a dit au prophète sallallahu alayhi wasalam, et ça montre zaka, Salama radiyallahu anha, elle lui a dit, ya Rasulallah, fais al-ihlal ant, aïe, il se rase les cheveux. Sors, ils vont tous te voir et ils vont faire. Wa hakada, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait. Ahalla, il est sorti, ils l'ont vu, sahaba, ils ont tous fait comme lui. Ash-shahid an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ghadiba. Ça montre que l'amr, c'est ala al-fawr. Kama dhakara, al-shaykh al-Uthaymin, wa jama'atun min ahl al-ilm. Min al-adilla kadhalik, ou parmi les choses que shaykh al-Uthaymin cite pour démontrer que l'wujub, c'est ala al-fawr, qala anna al-insan la yadri ma yu'arad lah. فقد يكون الآن قادرا وفي المستقبل عاجزا et ça c'est un قول طيب قوي أن aujourd'hui أخي الكريم t'es en bonne santé t'as de l'argent t'es capable فما تدري qu'est-ce qui va se passer demain فبعض الناس ils ont repoussé le حج ils ont repoussé le حج خاصة تعلمون عندنا العوام ils ont une فكرة أن الحج c'est que pour les vieux وهذا c'est pas صحيح il n'y a aucune حجة على هذا Shara'i' al-Islam, c'est pour jami' al-Muslimin. Qu'ils soient jeunes, vieux, hommes, femmes, tout le monde est concerné. Sauf l'enfant, le majnoun, comme on a vu. Amma, le jeune, 20 ans, 30 ans, 40 ans, la shakanahu se wajib alayhi. Fana'am, kam min al-nas, on disait annahum, ils ont retardé le hajj, plus tard, quand je serai vieux, plus tard. Thumma, abtuliya bi marad, ou bi faqr, et il meurt, et il n'a jamais fait le hajj. Wahada fil haqiqa. Il a délaissé un wajib azim, un rukn min arkan al-islam. Fa an-nasiha, c'est celui qui a les moyens, il se précipite